l'écrivain latin Nigidius vécut au 7e siècle avant notre ère. Publius Nigidius, dans ses commentaires sur la grammaire, enseigne que les mots et les expressions ne sont point le produit du hasard, mais de la nécessité et de la raison naturelle. C'est même là une question célèbre dans les disputes philosophiques. En effet, les philosophes ont coutume de se demander si les mots doivent leur origine à la nature ou à une simple convention. À ce sujet, Nigidius donne plusieurs arguments pour démontrer que les mots sont plutôt naturels qu'arbitraires. Parmi ces preuves, je citerai la plus ingénieuse et la plus piquante. Lorsque nous prononçons « vos »,« vous », dit-il, le mouvement de notre bouche est en rapport avec le sens du mot que nous employons. Nous avançons légèrement l'extrémité des lèvres. Notre souffle, notre haleine, se dirige vers ceux avec lesquels nous conversons. Au contraire, lorsque nous disons « nos », nous, nous ne prononçons pas en dirigeant au dehors notre souffle, en avançant nos lèvres, mais nous retenons pour ainsi dire notre souffle et nos lèvres en nous-mêmes. Une observation analogue s'applique aux mots « tout » et « ego », « toi » et « moi », « tibi » et « mihi », « à toi » et « à moi ». Quand nous approuvons ou désapprouvons, le mouvement de la tête ou des yeux n'est pas sans rapport avec la nature de l'idée qu'il exprime. Ainsi, dans les mots que je viens de citer, la direction de la bouche et des yeux sont, pour ainsi dire, le signe naturel de l'idée. On peut faire sur les mots grecs les mêmes observations que sur nos expressions latines.